Saint Augustin, de la continence. Chapitre 9. Notre chair n'est pas substantiellement mauvaise. Quelle est donc, je ne dis pas l'erreur, mais la fureur des manichéens, de faire de notre chair l'œuvre de je ne sais quelle nation ténébreuse, nation éternelle et éternellement mauvaise. L'apôtre, inspiré par la vérité, n'exhorte-t-il pas les époux à aimer leurs épouses comme leur propre chair? Et pour rendre son exhortation plus pressante, n'invoque-t-il pas l'exemple de Jésus-Christ et de son Église? Citons tout entier ce passage de sa lettre, il se présente ici fort à propos, « Époux, dit-il, aimez vos épouses comme Jésus-Christ a aimé son Église, car il s'est livré à la mort pour elle, afin de la sanctifier, la purifiant dans le bain salutaire de l'eau et par la parole. C'est ainsi qu'il a voulu se faire une Église glorieuse, sans tache et sans souillure, sainte et immaculée. De même, les époux doivent aimer leurs épouses comme leur propre corps. Celui qui aime son épouse, s'aime lui-même. » Éphésiens 5, 25 à 29. Il termine par ces mots, déjà cités plus haut, « Car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire, il la nourrit et la soigne comme Jésus-Christ le fait pour son Église. » Un témoignage aussi formel, que peut opposer la folie de l'impiété la plus grossière? Manichéen, qui opposez-vous? Vous essayez de produire les lettres apostoliques pour nous prouver votre système des deux natures, l'une bonne et l'autre mauvaise. Pourquoi donc refuser d'entendre ces mêmes lettres apostoliques quand elles condamnent votre perversité sacrilège? Vous lisez, la chair convoite contre l'esprit, Galates 5, 17, le bien n'habite pas dans ma chair, lisez donc aussi, personne n'a jamais haï sa chair, il la nourrit au contraire et la soigne comme Jésus-Christ le fait pour son Église. Vous lisez, je vois dans mes membres une autre loi qui répugne à la loi de mon esprit, Romains 7, 18, 23, lisez donc aussi, comme Jésus-Christ a aimé son Église, ainsi les époux doivent aimer leurs épouses, comme leur propre corps. Parmi ces témoignages de l'Écriture sainte, ne cherchez pas à faire servir les uns à vos perfides desseins et à fermer l'oreille aux autres, ainsi vous serez toujours dans le vrai. Interprétez ces derniers comme le bon sens l'exige, et vous comprendrez les autres dans leur véritable signification. L'apôtre fait allusion à trois sortes d'union, l'union de Jésus-Christ et de son Église, l'union de l'homme et de la femme, enfin celle de l'esprit et de la chair. Les premiers membres de ces unions servent de type aux autres, et ceux-ci sont soumis aux premiers. Tous sont bons et reflètent éminemment le type du beau dans l'ordre, les uns parce qu'ils l'emportent avec éclat sur les autres, et ceux-ci parce qu'ils sont soumis noblement aux premiers. L'homme et la femme, pour connaître leurs devoirs réciproques, reçoivent ici le précepte et l'exemple. Le précepte, que les épouses soient soumises à leurs époux comme au Seigneur, car l'homme est le chef de la femme, et vous, époux, aimez vos épouses. L'exemple, les femmes le trouvent dans l'Église, et les hommes en Jésus-Christ, comme l'Église, dit-il, est soumise à Jésus-Christ, de même que les femmes soient soumises en tout à leurs époux. Nous avons vu le précepte donné aux époux d'aimer leurs épouses, maintenant, voici l'exemple, comme Jésus-Christ a aimé son Église. Pour exhorter les époux, s'il invoque ce qui leur est supérieur, il ne laisse pas de faire appel à ce qui leur est inférieur, c'est-à-dire à leur corps, car il ne dit pas seulement, « Époux, aimez vos épouses comme Jésus-Christ a aimé son Église », il ajoute, Les hommes doivent aimer leurs épouses comme leur propre corps. Éphésiens 5, 22 à 28. Le premier exemple est tiré d'un ordre supérieur, le second, d'un ordre inférieur, c'est assez dire que ces deux ordres sont bons. Mais, quand il s'agit de la femme, on ne lui propose l'exemple ni du corps ni de la chair, on ne lui dit pas d'être soumise à son époux comme la chair est soumise à l'esprit. Par ce silence, l'apôtre voulait-il faire conclure ce qu'il évitait de dénoncer, peut-être, au contraire, que témoin de la lutte soulevée par la chair contre l'esprit, au sein de notre mortalité et de nos langueurs, il n'a pas voulu faire, de cette soumission de la chair à l'esprit, le modèle de la soumission de la femme à l'égard de son mari. Il en est autrement pour les hommes, car, si l'esprit convoite contre la chair, cette convoitise même est pour l'avantage de la chair. Au contraire, en convoitant contre l'esprit, la chair veut le mal de l'esprit et son propre mal à elle-même. Cependant, soit que l'esprit, devenu pour ainsi dire la providence de la chair, la nourrisse et la soigne, soit qu'il s'arme de la continence pour enchaîner ses vices, il resterait impuissant dans son action bienfaisante, si ces deux substances, par leur harmonie actuelle, ne révélaient clairement que Dieu est l'auteur de l'une et de l'autre. Quelle démence vous pousse donc à vous déclarer chrétien, et en même temps à soutenir, contre les Écritures, avec un aveuglement criminel, que la chair de Jésus-Christ n'était pas une chair véritable, que si l'Église appartient par son âme à Jésus-Christ, par son corps elle appartient au démon, que les sexes sont l'œuvre de Satan et non celle de Dieu, enfin que la chair unie au corps est une substance essentiellement mauvaise. Chapitre 10. Folles assertions des manichéens. Peut-être les témoignages que je viens d'emprunter au Livre Saint, vous paraissent-ils insuffisants pour vous convaincre? En voici d'autres encore, écoutez-les si vous avez des oreilles pour entendre. Sur la chair de Jésus-Christ que dit l'insensé manichéen, que cette chair n'avait rien de réel, qu'elle n'était qu'apparente. Et l'apôtre, que dit-il? Souvenez-vous, selon mon évangile, que Jésus-Christ, de la race de David, est ressuscité d'entre les morts. 2 Timothée 2, 8. Et Jésus-Christ, palpé et voyé, dit-il, un esprit a-t-il, comme moi, de la chair et des os? Luc 24, 39. Une doctrine qui soutient que la chair en Jésus-Christ n'était qu'apparente, peut-elle donc être vraie? Comment Jésus-Christ n'y avait-il aucun mal, quand sa personne n'était qu'un étrange mensonge? Parce que, répondez-vous, même pour les hommes les plus purs, une chair véritable est toujours un mal. Mais ce n'en est point de substituer à une chair véritable une chair simulée. Une chair véritable, issue de la race de David, est un mâle, et ce n'en est point de dire faussement, palpé et voyé, un esprit a-t-il comme moi une chair et des os? Au sujet de l'Église, que dit le séducteur des hommes, inspiré par le souffle mortel de l'erreur, que, quant aux âmes, elle appartient à Jésus-Christ, mais quant au corps, elle appartient au démon? Et quelle réponse est inspirée au docteur des nations par la foi et la vérité? Ne savez-vous pas, dit-il, que vos corps sont les membres de Jésus-Christ? 1 Corinthiens 6, 15. Quant à la différence des sexes, que dit le fils de la perdition? Que le sexe ne vient pas de Dieu, mais du démon. Et Paul, ce vase d'élection, que répondit-il? De même que la femme vient de l'homme, de même l'homme n'est par la femme, mais tout vient de Dieu. Idem, 11, 12. Sur la chair, Que dit l'esprit monte par l'organe des manichéens? Quelle est une substance essentiellement mauvaise, formée, non point par Dieu, mais par l'ennemi de l'homme? Et le Saint-Esprit, que répond-il par saint Paul? Le corps, qui est un, possède différents membres, et cependant ces membres, quoique nombreux, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi de Jésus-Christ. Un peu plus loin il ajoute, Dieu a placé dans le corps chacun des membres comme il l'a voulu. Un peu plus loin encore, Dieu a sagement disposé le corps de l'homme, en y compensant l'ignominie par un accroissement d'honneur, afin d'en faire disparaître toute division. Si donc, un membre souffre, les autres membres partagent ses souffrances, si un membre est glorifié, tous les autres sont dans la joie, idem, 12, 12 à 26. Direz-vous donc que la chair est mauvaise, quand les âmes elles-mêmes sont invitées à imiter la paix qui règne entre les membres du corps? Comment soutenir que la chair est l'œuvre du démon, puisque les âmes, qui régissent les corps, doivent, pour échapper entre elles aux inimitiés et aux divisions, prendre exemple sur les membres du corps, et réaliser, sous l'action de la grâce, un bien que les corps ont reçu de Dieu par nature? C'est donc avec raison que l'apôtre écrivait aux Romains, « Je vous en prie, mes frères, par la miséricorde divine, faites de vos corps, pour Dieu, une hostie vivante, sainte et immaculée. » Romains 12, 1. Or, c'est sans motif que nous refusons de confondre les ténèbres avec la lumière, et la lumière avec les ténèbres, si nous faisons de nos corps, issus des ténèbres, une hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Chapitre 11. Comparaison entre la chair et l'Église. Mais, nous dirons-ils, comment établir une similitude entre la chair et l'Église? L'Église convoiterait-elle contre Jésus-Christ quand l'apôtre nous dit, l'Église est soumise à Jésus-Christ? Je réponds, l'Église assurément est soumise à Jésus-Christ, Éphésiens 5, 24, et si l'Esprit convoite contre la chair, c'est précisément pour que l'Église soit soumise à Jésus-Christ sous tout rapport. La chair, de son côté, convoite contre l'Esprit, parce que l'Église ne possède pas encore la paix parfaite qui lui a été promise. Si donc l'Église est soumise à Jésus-Christ, c'est parce qu'elle a en elle le gage de son salut, et si la chair convoite contre l'Esprit, c'est par l'effet de ses langueurs et de ses faiblesses. N'était-il pas membre de l'Église, ceux à qui l'apôtre osait dire, marchez selon l'Esprit, et n'obéissez point aux concupiscences de la chair, car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5, 16, 17. Oui, c'est à l'Église que s'adressaient ces paroles, elle était donc soumise à Jésus-Christ, car autrement l'esprit de continence n'aurait pas convoité en elle contre la chair. D'où je conclus que ces fidèles pouvaient ne pas obéir aux concupiscences de la chair, mais du moment que la chair convoitait contre l'esprit, ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ne pas éprouver la concupiscence de la chair. D'ailleurs, pourquoi ne pas reconnaître que dans les hommes spirituels l'Église est soumise à Jésus-Christ, tandis que dans les hommes charnels elle convoite contre lui? Est-ce qu'ils ne convoitaient pas contre Jésus-Christ, ce à qui l'apôtre pouvait dire, le Christ est-il divisé? 1 Corinthiens 1, 13. Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels. Vous regardant comme de petits enfants en Jésus-Christ, je vous ai donné du lait pour nourriture, au lieu d'un aliment solide que vous n'auriez pu supporter. Maintenant encore vous ne le pourriez pas, car vous êtes toujours charnel. Il y a parmi vous des jalousies et des divisions, n'êtes-vous donc pas charnel ? Ibidem 3:1-3. Contre qui la jalousie et les divisions convoient-elles ? N'est-ce pas contre Jésus-Christ ? Or, ces concupiscences de la chair, le Sauveur les guérit dans ceux qui sont à lui, mais il les est partout où il les trouve. Et c'est là ce qui nous explique pourquoi la Sainte Église, tant qu'elle renferme de tels membres, ne saurait être sans tache et sans ride. Ajoutez-y encore ces péchés pour lesquels sa voix ne cesse de crier chaque jour, « Pardonnez-nous nos offenses » Matthieu 6, 12. Et quels sont ceux qui pourraient se dire innocents ? Ce ne sont pas les hommes charnels, ce ne sont pas même les hommes spirituels. Car le disciple bien-aimé du Sauveur, celui qui à la scène reposa sa tête sur la poitrine de son maître, Saint Jean ne nous dit-il pas, si nous affirmons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous, 1 Jean 1, 8. Or, dans tout péché, plus ou moins sans doute, suivant la gravité de la faute, nous trouvons la concupiscence en lutte contre la justice. D'un autre côté il est écrit de Jésus-Christ, il s'est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, 30. Donc tout péché convoite contre Jésus-Christ. Mais quand celui qui guérit toutes nos langueurs, psaume 102, 3, aura conduit l'Église à la guérison qui lui est promise, c'est en vain que dans quelqu'un de ses membres nous chercherons la moindre tache et la moindre ride. Alors la chair ne convoitera plus contre l'esprit, et dès lors l'esprit n'aura plus aucun motif pour convoiter contre la chair. Toute lutte aura cessé, l'union la plus parfaite régnera entre ces deux substances, tout principe charnel sera détruit, la chair elle-même sera spiritualisée. Tout chrétien animé de l'esprit de Jésus-Christ convoite contre la mauvaise concupiscence de sa chair, pour la guérir et la détruire, et cependant il nourrit et soigne en elle la bonne nature, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Ephésiens 5, 29. C'est là aussi ce que fait Jésus-Christ à l'égard de son Église, si toutefois nous pouvons établir une comparaison entre des choses si distantes l'une de l'autre. Quelquefois il la corrige et la châtie, de crainte que l'impunité ne lui soit une cause d'orgueil et de décadence. Il lui accorde aussi d'abondantes consolations, de crainte qu'apesantie par sa faiblesse elle ne vienne à succomber. De là ce mot de l'apôtre, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, quand nous sommes jugés, le Seigneur nous frappe afin que nous ne soyons pas condamnés avec ce monde. 1 Corinthiens 11, 31, 32, et ce cri du psalmiste, vos consolations ont réjoui mon âme, en proportion de la multitude des douleurs qui l'accablaient. Psaume 93, 19. Donc notre chair obtiendra une guérison aussi parfaite que facile, quand l'Église de Jésus-Christ sera dans une pleine sécurité. Markemdanarchive.org 2021, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.